Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le procès intenté en 77 à Aix-en-Provence contre le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC, accusé de tentative d'IVG et d'exercice illégal de la médecine. 2 ans auparavant, en 75, la loi Veil a pourtant rendu légale l'interruption volontaire de grossesse. Mais la législation, quoique fondatrice, est incomplète puisqu'elle exclut les femmes mineures, étrangères ou précaires. Des militants du MLAC à Aix-en-Provence continuent alors de pratiquer des avortements clandestinement hors des hôpitaux. D'abord pour pallier les carences de la loi, mais aussi parce qu'elles entendent défendre le droit de chacune à reprendre le pouvoir sur leur corps au-delà de l'institution médicale. En mars 77, 6 militantes du MLAC d'Aix doivent donc répondre de leurs actes devant la justice après que le père d'une jeune femme mineure a porté plainte. Un procès politique, ouvertement politique, dont ces militantes vont s'emparer pour organiser un événement festif et engagé au retentissement national. Notre invitée aujourd'hui est Lucie Ruault, sociologue chargée de recherche au CNRS. Elle a notamment travaillé sur les mouvements pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Automne 1972, Bobigny, Seine-Saint-Denis. Marie-Claire Chevalier, une jeune femme mineure qui avait avorté après avoir été violée, est jugée avec sa mère et 3 autres femmes accusées de complicité de pratique de l'avortement. Gisèle Halimi, leur avocate, décide de faire de ce procès une tribune politique contre la loi du 1er août 1920 qui interdit ne serait-ce que l'incitation à l'interruption volontaire de grossesse. 1 an après l'apparition dans le Nouvel Observateur du manifeste des 343, signé par 343 Françaises qui déclarent avoir avorté, le procès de Bobigny, très médiatisé, place l'IVG au cœur du débat public. En avril 73, des femmes et des hommes du planning familial, du MLF et du GIS, le groupe Information Santé, un collectif de médecins et de professionnels de santé, se rassemblent au sein d'une association, le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Leurs objectifs sont clairement définis. La diffusion d'une information sexuelle inexistante en France, la liberté de la contraception et la liberté de l'avortement. Le MLAC, géré par un bureau mixte formé d'avocates, de médecins et de militantes féministes, est loin d'être centralisé. Plus de 15 000 adhérentes sont actives dans des comités locaux disséminés dans toute la France. Elles développent librement des pratiques diversifiées. À Besançon, par exemple, des militantes du MLAC local accompagnent certaines femmes à l'hôpital pour réclamer un avortement malgré l'interdiction légale, comme ici, auprès du gynécologue d'une maternité de la ville, le docteur Colette. Elle est venue et nous l'avons accompagnée. Elle est venue demander au docteur Colette de l'avorter, puisqu'il est gynécologue. Nous voulons que le docteur Colette comprenne que avorter une femme, ce n'est pas céder à la pression de quelqu'un, c'est simplement répondre à la demande d'une femme qui est libre de décider de sa maternité. Si nous avons la quasi-certitude que l'enfant à naître sera un enfant gravement anormal, à ce moment-là, également, nous prendrons la décision d'interrompre cette grossesse, faut bien le dire, de tuer ce fœtus. Donc, si la femme veut avoir un enfant, qu'elle puisse l'avoir, qu'on lui donne toutes les possibilités d'avoir autant d'enfants qu'elle en veut et de les élever. Mais si elle ne désire pas en avoir, je ne vois pas pourquoi la société actuelle doit l'obliger à avoir des enfants. Nous voudrions qu'il y ait une autre loi qui permette aux femmes d'avoir des enfants quand elles en veulent, autant qu'elles en veulent et si elles en veulent. Bien qu'il soit une organisation légale, le MLAC s'engage rapidement et publiquement hors des sentiers battus de la loi. D'abord via des voyages collectifs à l'étranger, notamment en Angleterre, où l'avortement est autorisé depuis 1967. Des dizaines, voire des centaines de Françaises avortent ainsi loin de chez elles à l'occasion de ces voyages. En France, le MLAC pratique lui-même des interruptions volontaires de grossesse grâce à la méthode Carman. Une méthode simple d'application, peu coûteuse et sans anesthésie, qui consiste à introduire une sonde via le col de l'utérus pour procéder par aspiration. Une méthode sûre également, en tout cas moins traumatisante que le curetage alors pratiqué et dont l'apprentissage est facile. Au fil des mois, l'État ne peut que constater l'existence et l'utilité des actions du MLAC en termes d'avortement, mais aussi l'évolution des mentalités. Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République en mai 1974, a même fait de l'IVG l'une de ses promesses de campagne. Après plusieurs projets de loi avortés par le passé, il confie à Simone Veil, ministre de la Santé, le soin de proposer un projet. Lors des débats à l'Assemblée, houle, les conservateurs se battent bec et ongles pour que les hommes et leur morale gardent la main mise sur le corps des femmes. Raté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est à 3h40 ce matin que l'Assemblée nationale a finalement adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'interruption de la grossesse. Ce débat au Parlement peut être considéré comme l'un des plus importants de ces dernières années, tant par son contenu que par les incidences politiques qu'il a provoquées. C'est donc à l'aube, vers près de 4 heures, que le résultat du scrutin a été annoncé par le président Edgar Faure. Nombre de votants, 479. Suffrage exprimé, 473. Majorité absolue, 237. Pour, 284. Contre, 189. L'Assemblée nationale a adopté. La loi Veil est promulguée le 17 janvier 1975 à titre expérimental. Oui, pour une durée de 5 ans renouvelable après réexamen. Dans un communiqué officiel, le bureau central du MLAC se félicite de cette loi qu'il appelle de ses voeux. Mais alors que le groupe fondateur de l'association se démet de ses fonctions, estimant son principal objectif atteint, certains comités locaux du MLAC, à Paris, dans le 20e arrondissement, à Lille ou à Aix-en-Provence par exemple, entendent poursuivre leurs actions. À Aix, le MLAC a été fondé en 1973, 2 ans avant la loi Veil, par le collectif de la Commune, une communauté née de la volonté de militantes et de militants de politiser vie quotidienne et espace domestique. Dans une grande maison du nord de la ville, la Commune, composée de femmes, mais aussi d'hommes et d'enfants issus de tous les milieux sociaux, cessait à la remise en cause de la propriété privée, de l'école et de l'éducation, ou encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Certaines militantes, après leurs études, s'engagent volontaires comme ouvrières ou caissières et partagent des luttes syndicales de leurs collègues. À la fondation du MLAC Tex en 1973, les membres de l'association cherchent des médecins qui accepteraient de pratiquer des avortements malgré la loi qui les interdit alors, comme cela se fait dans d'autres comités locaux. Mais à Aix, aucun professionnel de santé ne souhaite accompagner les militantes. 3 membres de l'association vont alors se former à la méthode Carman auprès de médecins à Marseille afin de mener seuls des interruptions de grossesse. Dans toute la France, ce sont des centaines d'avortements qui sont ainsi effectués par les différents comités affiliés au MLAC. Avant le jour J, Fabienne et Nadine sont invitées à échanger avec les femmes du MLAC d'Aix. Par rapport à ça, vous voulez peut-être qu'on vous explique un peu la méthode? Oui, moi j'aimerais mieux comprendre. Justement, ce soir, on est là pour bien en parler, que vous posiez toutes les questions dont vous avez envie, hein, avant que ça se passe. Bon, alors on commence par une piqûre, d'atropine et de buscopan, pour que le col ne fasse pas de spasme. Puis alors après, on attend 10 minutes, tant que la piqûre fasse effet. Alors on met un spéculum en plastique. Quand on met le spéculum, on le met dans le vagin. Puis on l'ouvre, et dans l'ouverture, tu vois le col de l'utérus d'entrée. On passe un dilatateur tout doucement, on l'entre à l'entrée, puis on sent un petit passage. Et juste avant d'entrer dans l'utérus, il y a un sphincter qui est très fermé. Mais quand tu es enceinte, l'utérus, lui, est à peu près comme ça. L'œuf, il est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est minuscule. C'est sans tabou que Yann Lemasson et le collectif de la commune d'Aix filment l'avortement de Nadine par la méthode Carman. Des images impressionnantes, émouvantes même, quand on a en tête les conditions dans lesquelles se tiennent parfois les avortements clandestins. Dans une petite chambre cosy, Nadine, la jeune femme qui avorte, est invitée par les femmes du groupe à introduire elle-même le spéculum, à regarder son col de l'utérus avec un miroir et à intervenir elle-même dans le processus d'avortement si elle en ressent le besoin. Sur son visage, on lit de la douleur parfois, mais surtout la satisfaction d'être entourée avec bienveillance par des femmes qui maîtrisent leurs gestes tout en la laissant libre de ses choix. Quand c'est fini, hein, Je vais en fond. C'est fini. Il n'y a plus rien. Après que la loi Veil a été promulguée, nombre d'hôpitaux français freinent les quatre fers quand il s'agit d'ouvrir des services dédiés à l'interruption volontaire de grossesse. À Aix-en-Provence, le MLAC organise des sit-ins dans le hall de l'hôpital et séquestre le directeur dans son bureau pour faire pression et accélérer le processus. Quand le centre ouvre enfin, les femmes du MLAC accompagnent celles qui le leur demandent lors de la consultation et de l'avortement. Et leur constat est sans appel. La loi ne suffit pas. D'abord, toutes les femmes ne peuvent pas avorter. Les mineurs et les étrangères sont exclus. Ainsi en a décidé le législateur. Par ailleurs, avorter coûte cher, 700 francs environ. Et les plus précaires n'y ont pas accès. Enfin, ce n'est pas le cas à Aix, mais ça l'est ailleurs en France. Certains médecins, malgré la loi, refusent de procéder à des avortements, tandis que les délais sont parfois si longs que des femmes sont contraintes d'abandonner leur projet d'IVG. Un constat que partage Simone If, la présidente du planning familial, mouvement qui se félicitait pourtant de la loi portée par Simone Veil. Les hôpitaux parisiens ne font pratiquement pas d'interruption de grossesse. Ils en font entre 4 et 10 par semaine, et encore certains même pas. Et donc, par exemple, quand on regarde les chiffres du planning, 526 demandes d'interruption de grossesse à Paris en 10 semaines, 6 résolues à l'hôpital, 1,14%. Donc, il n'y a pas de solution là. Il reste les cliniques tout de même. Alors, il semblerait qu'il reste les cliniques. Mais les cliniques, devant cette situation, bien sûr, prennent les femmes qui viennent de province. Mais alors, les prennent à n'importe quel prix, avec n'importe quelle technique, et deviennent finalement des endroits où on loue pendant 3 heures un équipement à un médecin sans aucun contrôle. Non seulement la loi Veil ne permet pas l'accès de toutes les femmes à l'avortement, mais le MLAC d'Aix, comme d'autres en France, regrette l'accueil qui est fait aux patientes, et notamment la culpabilisation qui accompagne bien trop souvent l'acte médical. Malgré la légalisation de l'IVG, les femmes du MLAC d'Aix vont donc continuer à procéder à des avortements, illégalement puisque hors des hôpitaux. Pour ces femmes, il s'agit non seulement de répondre au manquement de la loi, mais aussi de continuer à exercer leur savoir-faire en toute autonomie. Depuis plusieurs années, avec d'autres groupes en France, des militantes revendiquent la démédicalisation de certains actes, comme l'avortement, mais aussi l'accouchement ou les examens gynécologiques. Pour elles, c'est une façon de se réapproprier leur corps, leur savoir et leur libre arbitre hors d'une institution médicale, en particulier gynécologique, dominée par les hommes. Ces idées étaient portées depuis plusieurs années déjà, bien avant la loi Veil, par certains comités locaux du MLAC, contre l'avis du comité central qui, lui, considère l'avortement comme un acte qui doit être médicalisé. Assises en cercle dans le jardin de la maison partagée du collectif de la commune, les femmes du MLAC d'Aix-en-Provence s'interrogent et débattent à l'été 75. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à prendre une décision. Ça fait 9 mois que la loi sur l'avortement est passée. D'après les renseignements qu'on a, à peu près tous les groupes du MLAC ailleurs sont arrêtés. Pour diverses raisons, parce qu'ils étaient découragés, parce que c'était les médecins qui pratiquaient et que les médecins ont voulu s'arrêter. Bon, nous, c'est vrai que c'est jamais les médecins qui ont pratiqué les avortements dans notre groupe. C'est nous-mêmes et il y a plein de femmes qui ont appris à les pratiquer. Alors, pour continuer, il faut qu'on se sente vraiment pas isolé, en tout cas à Aix, même si on est un peu isolé sur le plan national pour le moment. Ce que je propose, c'est que, à tour de rôle, on dit ce qu'on en pense, et puis ensuite on prend la décision ensemble. En cet été 1975, le MLAC d'Aix-en-Provence et certaines militantes de la commune vont finalement poursuivre les accouchements hors du circuit hospitalier afin de venir en aide aux femmes qui en ont besoin, des mères de famille, des travailleuses, des femmes mariées, concubines ou célibataires, des étudiantes, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, au vu de leur situation, faire naître un enfant. Parmi elles, il y a Chantal. Employée dans une boulangerie, elle a 17 ans et vit une histoire avec un homme plus âgé qu'elle, un homme marié. Alors, quand elle tombe enceinte, elle décide de ne pas garder l'enfant et de tout cacher à ses parents, qui réprouveraient tant sa relation amoureuse que l'avortement. Sans autorisation, car elle est mineure, Chantal ne peut pas avorter à l'hôpital. Par le biais d'une amie, elle se tourne alors vers le MLAC d'Aix, qui accepte sa demande d'IVG. Gratuitement, comme d'habitude, via la méthode Carval et sans médecin. Habituellement, les femmes rencontrent les militantes du MLAC une première fois, avant d'avorter, pour faire connaissance et pour qu'on leur donne toutes les informations nécessaires au bon déroulement des événements. Mais Chantal ne peut pas se déplacer sans mettre ses parents au courant. Et elle ne suit pas la réunion d'information et de préparation que l'équipe du MLAC organise avec les autres femmes qui avortent cette semaine-là. Alors quand elle arrive pour l'interruption de grossesse, accompagnée de son partenaire, elle ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chantal? Je crois que pour nous, on a réfléchi à ça aussi. Moi, je crois que c'est pas étonnant. Chantal, c'était une mineure de 17 ans qui vraiment vivait une situation difficile pour toutes les femmes qui a un avortement. Parce qu'on veut absolument dénoncer le fait que si l'avortement est libre, les femmes vont s'en servir comme moyen contraceptif. C'est une absurdité. Aucune femme n'avorte par plaisir. Elle le fait vraiment quand elle est enceinte, qu'elle ne veut pas d'enfant. Elle le fait quand elle est coincée. Mais c'est jamais une situation... C'est toujours une situation difficile pour elle. Et encore plus pour une mineure de 17 ans qui se retrouve seule, sans ses parents dont elle a une frousse terrible, sans son copain avec qui elle a fait cet enfant. Et Chantal, elle a craqué, comme on dit. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a plus supporté cette situation, elle a plus voulu parler, elle a plus rien voulu entendre, elle a voulu qu'on arrête. Bien que tout se déroule sans aucun problème, Chantal, 17 ans, en effet, prend peur. Et dans la panique, elle demande aux militants du MLAC à voir un médecin. À l'hôpital où les militantes l'ont accompagnée, le père de Chantal découvre que sa fille a bénéficié d'un avortement et il porte plainte. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme? Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Affaire sensible sur France Inter. Six militantes du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, vont comparaître devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Elles sont accusées d'avoir pratiqué un avortement sur la personne d'une jeune fille mineure. Mais pour beaucoup de ceux qui luttent en France pour la liberté de l'avortement et pour une meilleure information de la contraception, le procès d'Aix-en-Provence, c'est aussi le procès, sinon de la loi Veil, votée il y a maintenant 2 ans, au moins de son application. Dans beaucoup d'hôpitaux, en effet, on se refuse à pratiquer les avortements et beaucoup de femmes restent ce que la loi appelle des femmes en détresse. Pour les militants du MLAC d'Aix-en-Provence qui ont procédé à l'avortement de Chantal et à bien d'autres auparavant, c'est tout de suite évident. Il faut faire du procès qui se prépare une tribune politique et mobiliser au-delà d'Aix-en-Provence, autrement dit au niveau national. D'abord pour souligner les limites de la loi sur l'avortement, ensuite pour placer la question de la démédicalisation des actes gynécologiques sur le devant de la scène. Et ce, malgré les dissensions qui existent avec l'ancien comité central du MLAC, ainsi qu'avec d'autres associations féministes qui ne soutiennent pas les IVG non médicales pratiquées à Aix. Rapidement, le MLAC d'Aix et le collectif de la commune lancent une campagne de mobilisation. Des articles dans la presse locale et des tracts, dans un premier temps, vont leur permettre de grossir les rangs de leur soutien. En 1977, alors que le procès approche, le MLAC d'Aix et la commune décident de diffuser un film réalisé collectivement avec le réalisateur Yann Lemasson, « Quand je serai grande », qui deviendra plus tard un long métrage intitulé « Regarde, elle a les yeux grands ouverts ». Depuis mai 68, le cinéma militant s'est largement développé dans l'Hexagone. Et à plusieurs reprises, le public français a bénéficié de l'engagement féministe de différentes réalisatrices et réalisateurs en faveur de l'avortement. D'abord avec Histoire d'A de Charles Belmont et Marie-Alice Hartel, puis avec Y'a qu'à pas baiser de Carole Roussopoulos. Mais le MLAC d'Aix, qui compte faire de son film un outil de communication, va faire un choix étonnant. On accuse ces militantes d'avoir pratiqué un avortement illégal. Eh bien, c'est un accouchement que les militantes porteront à l'image. Nicole, l'une des membres du collectif, explique ce choix. Moi, je crois que c'est ça qui est en jeu dans notre manière à nous de dire qu'on veut changer, qu'on veut accoucher autrement. En fait, ça va beaucoup plus loin. Parce que si la femme accouche comme elle veut, c'est-à-dire si elle retrouve la puissance qu'elle a à ce moment-là, elle va tout faire péter après. Voilà. À la commune, le collectif dont font partie plusieurs des membres du MLAC d'Aix, on ne pratique pas seulement des avortements, mais aussi, depuis 1976, des accouchements à domicile. Au début, les militantes se font accompagner par un médecin d'Aix, qui a longtemps travaillé au Maroc. Là-bas, conformément aux habitudes séculaires, il laissait les femmes gérer les accouchements, et n'arrivait qu'en cas de danger, dans un second temps. À la commune, ce médecin guide d'abord les militantes dans leur apprentissage de la pratique, avant de décider de se retirer et de les laisser seules maîtriser leur accouchement. Pendant les mois qui précèdent le procès, le film qu'ont réalisé le MLAC d'Aix et le réalisateur Yann Lemasson va faire le tour du pays. « Quand je serai grande », qui montre l'accouchement, ne laisse pas indifférent et suscite, après chaque projection, des discussions dans le public. Avec les militantes, chacune et chacun peut donc aborder librement des questions comme l'accouchement, justement, la contraception, la place des femmes dans la société, le couple, la famille et bien sûr l'avortement. La presse, régionale, puis nationale, relaie le film et ainsi diffuse le parallèle que les militantes ont volontairement souhaité instaurer afin de changer les regards que l'opinion publique porte sur cette affaire polémique sur le thème « Le MLAC d'Aix pratique des avortements, mais ses militantes donnent aussi la vie ». Une stratégie payante au cours d'une campagne de communication qui va peu à peu susciter l'adhésion de nombreux soutiens, y compris parmi les féministes plus modérés qui, traditionnellement, n'approuvent pas les avortements menés illégalement à Aix. Nouveau procès de l'avortement à Aix-en-Provence. 6 militantes féministes comparaissent devant le tribunal correctionnel. On leur reproche d'avoir fait avorter illégalement et clandestinement une mineure de 17 ans et demi. C'est le père qui a porté plainte. Les 6 inculpés se défendront en faisant le procès de la loi Veil qu'elles estiment insuffisante et qui n'autorise, vous le savez, que l'avortement pratiqué par des médecins. Madame Maya, la présidente du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, s'en explique à Claudine Roy. Nous pensons qu'à travers l'inculpation de nos camarades d'Aix-en-Provence, c'est toutes les femmes de ce pays qui sont visées. De toute façon, aussi longtemps qu'il n'y aura pas remboursement par la Sécurité sociale, aussi longtemps qu'il n'y aura pas réellement des crédits débloqués pour la pratique de l'avortement dans les hôpitaux, qu'il n'y aura pas des crédits débloqués pour une information correcte et efficace, les problèmes tant de l'avortement que de la contraception ne pourront pas être résolus. Ce procès, explique Maya Surlut, c'est un procès intenté à toutes les femmes, mais pas seulement aux six militantes du MLAC, d'ex accusées d'exercice illégal de la médecine et de tentative d'avortement. Le matin du procès, le 10 mars 1977, 3000, peut-être même 4000 personnes sont rassemblées dans les rues d'Aix-en-Provence. Devant le palais de justice, des centaines de femmes et d'hommes, mais surtout des femmes, jeunes pour beaucoup, sont venues dénoncer l'insuffisance et l'hypocrisie de la loi Veil et affirmer la volonté des femmes de changer leur vie, écrit le journal Libération. Les inculpés sont 6. 6 membres du MLAC d'Aix-en-Provence qui revendiquent collectivement l'acte pour lequel elles comparaissent devant la justice. 3 d'entre elles vivent à la commune, cette grande maison où elles tentent avec d'autres de réinventer la vie en collectivité. Il y a là également Guylaine, 29 ans, et Brigitte, 24 ans, toutes les deux caissières et déléguées CGT. Ursula, 34 ans, enceinte d'un deuxième enfant. Nicole, 33 ans, 3 enfants, ouvrière spécialisée et déléguée CFDT. Annie, 34 ans, secrétaire médicale et mère d'un enfant. Et Marie, 21 ans, qui a été licenciée pendant sa grossesse. Les militantes, parmi d'autres, qui n'étaient peut-être pas toutes présentes lors de l'avortement de Chantal l'année précédente, mais que le MLAC d'Aix a choisi pour représenter le collectif. Des mères de famille, des travailleuses parfois précaires, des femmes jeunes, qui auraient pu être à la place de Chantal. Vous vous appelez Nicole, épouse. Vous êtes née le 27 février 1943 à Bayonne. Vous êtes de nationalité française et vous êtes spécialisée, ouvrière spécialisée. Vous demeurez au Mas-Lieu, en Aix-en-Provence. Vous êtes inculpé du délit de tentative d'avortement et d'exercice illégal de la médecine. Nous allons examiner tout à l'heure les faits qui vous sont reprochés. Veuillez vous asseoir. La petite salle d'audience du palais de justice d'Aix-en-Provence est pleine à craquer en ce 10 mars 1977. Le public est venu en nombre pour soutenir les prévenus. 25 témoins, des médecins et des femmes qui ont avorté, viennent expliquer à la barre à quel point la loi qui légalise l'avortement est insuffisante. D'autres font valoir l'efficacité de la méthode Carman, que certains hôpitaux rechignent à utiliser, malgré sa simplicité. Chantal n'en veut aucunement aux militantes qui l'ont aidée. Son père a porté plainte, certes, mais que peut-elle y faire ? « Je suis toujours amie avec elle », affirme Chantal aux caméras qui viennent l'assaillir de questions. Pour le procureur de la République, ainsi que le prévoit la loi Veil, seuls les médecins doivent pouvoir pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Et c'est donc bien illégalement que les 6 inculpés ont exercé la médecine. Leur engagement politique et personnel, estime le ministère public, ne justifie en aucun cas l'infraction. Pour les militants du MLAC d'Aix, qui ont choisi avec leurs avocates d'assurer elles-mêmes leur défense, ce procès n'est au contraire rien d'autre que politique. Oui, ce procès, c'est celui de toutes les femmes qui veulent défendre leurs droits. Et il n'en reste pas moins que Guylaine, Ursula, Marie, Nicole, Brigitte et Annie risquent la prison. C'est le procès des filles d'Aix qui ont osé pratiquer des avortements malgré la loi. Soutenons-les. Excusez-moi, laissez passer. Des milliers de soutiens occupent la ville aux Mille Fontaines en cette journée ensoleillée du mois de mars 77. Pour le journal méridional, qui parle d'une manifestation comme un torrent en crue, c'est un siège mené par des jeunes filles n'ayant pas encore découvert l'existence des salons de coiffure, mais en revanche, celle des friperies, précise le quotidien régional. Mais pour les manifestantes et les manifestants, c'est aussi une fête qui s'organise sur le parvis du palais de justice d'Aix-en-Provence et dans les rues adjacentes. Une fête et un combat. Car contrairement au sous-entendu du journaliste, la foule ne s'occupe pas que de chiffons. de 8h à 17h, des étudiantes, des ouvrières, des employés, des mères de famille et leurs alliés masculins scandent, chantent et distribuent des paquets de renseignements sur la méthode Karman utilisée par le Black Dex et souvent rejetée par les médecins. À la mobilisation contre le procès se mêlent des luttes syndicales et on défile également contre les licenciements qui ont lieu à la CESCOSEM, l'usine de composants électriques à Aix-en-Provence. Dans les rues de la ville, ce n'est pas seulement l'avortement qu'on défend. Pour les manifestantes, il s'agit aussi de mettre en question les institutions médicales et judiciaires, mais aussi l'ordre patriarcal dans son ensemble. Dans de petits sketchs humoristiques, militantes et militants rejouent l'histoire de Chantal, surnommée Françoise, dans la fiction. La foule amassée devant le palais de justice rit jaune, quand l'acteur qui joue le petit ami de Françoise demande benoîtement « Mais Françoise, comment as-tu fait pour tomber enceinte ? Tu ne pouvais pas faire attention ?» Suivent d'autres tableaux qui mettent successivement en scène le médecin, la police, le père de la jeune femme, mais aussi les juges. Ainsi, mesdames et messieurs, monsieur le juge, la jeune Françoise est arrivée à l'hôpital dans un état de délabrement tant physique, que moral. La jeune Françoise, monsieur le juge, est arrivée dans un bain de sang. La jeune Françoise sortant des mains de ses avorteuses, de ses tricoteuses bolcheviques. Ces scénettes dénoncent par l'humour le contrôle que les hommes exercent sur les femmes via les institutions françaises. Un pied de nez récréatif, certes, mais avant tout politique, en alternance avec des prises de parole au micro et devant la foule amassée devant le palais de justice. Des femmes qui ont avorté grâce au MLAC d'Aix ou d'ailleurs viennent publiquement témoigner de leur expérience et ainsi se réapproprier l'espace public sous le regard de policiers amusés comme le montrent les caméras de télé présentes ce 10 mars 77. Aux alentours de 17h, les 6 inculpés sortent du palais de justice et c'est une véritable ovation qui les attend pour célébrer la fin de cette journée de lutte et de fête. Les militants du MLAC d'Aix écopent d'un ou deux mois de prison avec sursis. En 1979, deux ans après le procès, la loi Veil, adoptée temporairement en 75, est reconduite sans limite de temps, mais sans amendement qui permettrait de rendre l'IVG accessible à toutes les femmes et en laissant les médecins seuls détenteurs du droit à pratiquer des avortements. En une phrase, un enfant si je veux et quand je veux. Not the baddest bitch you like. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le procès du MLAC avec notre invitée Lucie Ruault. Bonjour. Bonjour. Sociologue chargée de recherche au CNRS, vous avez notamment travaillé sur les mouvements pour la liberté d'avortement et de la contraception, disons dans une perspective socio-historique, et vous trouverez sur le site cairn.info plusieurs de vos recherches et articles sur le sujet cairn.info, c'est ça hein ? Oui. Alors au début des années 70, alors que les politiques discutent une possible loi sur l'avortement, des militantes et des militants, je tiens à le souligner, en France, pratiquent déjà des IVG, on a l'impression que ça se fait même de façon publique, en tout cas c'est documenté par le cinéma militant, alors que c'est hors du cadre légal. C'est le cas, les autorités sont courantes, il n'y a pas de répression féroce, on sent qu'un jour une loi va sortir sur le sujet, c'est ça ? Bien sûr, en fait c'est même le cœur de la stratégie du MLAC, c'est de pratiquer les avortements au vu et au su de tout le monde, et en fait de créer ce qu'ils appellent l'état, ce qu'il est elle, puisque les femmes étaient largement majoritaires dans le mouvement, ce qu'elles appelaient l'état de fait, c'est-à-dire puisqu'on pratique déjà l'avortement, on montre l'hypocrisie de la loi, cette loi est donc caduque, donc il s'agit bien de faire pression sur le gouvernement pour l'obliger à modifier la législation. C'est vraiment ça la logique même. Et alors évidemment il y a une surveillance policière dont se souviennent les ex-militantes, elles étaient habituées à voir tel RG etc. à la sortie, mais globalement cette pratique abortive habituelle par des groupes de médecins ou de non-médecins était tolérée de fait jusqu'au vote de la loi dite Veil. Ouais. Et au cœur de ces années-là, en août 72, l'Américain Harvey Karman fait la première démonstration de sa méthode d'interruption volontaire de grossesse devant des militantes du MLF dans l'appartement de la militante féministe et actrice Delphine Seyrig. Donc méthode utilisée par le MLAC DEX, c'est une révolution cette méthode ? Non. Alors, en tout cas, elle est promue. Hein. Voilà. Du coup, ma réponse est assez provoque, mais je l'explique très rapidement. Elle n'est pas révolutionnaire au sens où la méthode d'aspiration, elle est connue. Enfin, les premières traces, on les retrouve dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ensuite, elle a subi de nombreuses transformations, de l'Écosse à la Chine, en passant par l'URSS. Elle aurait été utilisée par les médecins aux pieds nus en Chine, ce qui, évidemment, a été très important aux yeux du MLAC, puisque c'était quand même très présent dans l'imaginaire de l'extrême gauche, mais en fait elle est, par exemple, l'aspiration est utilisée en France dès 1967 à l'hôpital Tenon pour les avortements thérapeutiques par exemple, et elle circule aux États-Unis où cet Harvey Karman met au point les canules de plastique flexibles, donc qui sont moins traumatisantes pour l'utérus que du matériel métallique, et c'est là son apport principal. Ce qu'on oublie toujours dans cette histoire, c'est que un ensemble et de très nombreuses féministes ont, à travers les États-Unis, notamment en Californie avec Harvey Karman, mis au point tout un ensemble de techniques pour favoriser l'environnement dans lequel les femmes avortent, mais aussi des techniques, sur le plan physique et sur le plan matériel, qui sont évidemment complètement balayées par l'histoire, par cette appellation même de méthode Karman. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il n'y a qu'en France qu'on parle autant de méthode Karman. Et c'est aussi pour ça que je tiens vraiment à le dire. Donc elle n'est pas révolutionnaire, et en fait son caractère inédit, c'est le produit d'un discours de promotion largement réalisé par les médecins du GIST, le groupe Information Santé, qui est un des groupes à l'origine du MLAC. Et ensuite, les groupes MLAC ont relayé cette parole sur la méthode Karman extraordinaire, etc., en exagérant ses propriétés d'innocuité, de simplicité, de rapidité. Une espèce d'idéal, quoi. Voilà, et c'est devenu ça aussi. Mmh. Et c'est un slogan du mouvement très important qui a eu une force d'entraînement. C'est-à-dire que ça a permis de faire adhérer des médecins qui, évidemment, étaient très éloignés de pratiques d'avortement, puisque cette image infamante du médecin marron, du médecin avorteur. Et donc, ça a suscité l'adhésion de médecins sur une base technique. Donc, on déplace la question du politique, le fait que ce soit un acte bénin, pratiqué dans des conditions sérieuses, qui doit donc être accessible, à une question technique. L'innovation que représente présenterait cette méthode, qui annonce des nouveaux ferments d'une médecine respectueuse des femmes, etc. Et donc ça a cette force d'entraînement-là, et c'est intéressant. Et dernière chose là-dessus, sur cette méthode Karman comme slogan du mouvement, en fait, elle a opéré une sorte de saturation de l'espace public. Pendant quasiment 2 ans, on entend comme ça parler de méthode Karman. À chaque fois qu'il est question de MAC, il y a méthode Karman. D'ailleurs, c'est pour ça que 4 décennies plus tard, on dit toujours méthode Karman, alors qu'on ne devrait pas l'appeler comme ça, en fait. Mais en fait, à force de saturer cette phase publique, on peut dire que le débat a été rétréci aussi à une question technique. À mes yeux, en tout cas, ça a contribué à faire du modèle médico-centré un horizon indépassable, désirable, complètement désirable, et quand même à mettre de côté des objectifs, je veux dire, féministes, en fait, d'intégrité corporelle des femmes, mais simplement et au final, la loi a été votée au nom d'un souci de santé publique, non au nom d'une légitimité totale des femmes à décider du devenir de leur corps. D'ailleurs, elle est incomplète, cette loi. Cette loi a été courageuse, mais pas téméraire, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que le MLAC continue son mouvement après 75. Alors le MLAC pas dans son entier, puisqu'en fait 75 a quand même un effet immédiat, que les groupes se vident de leur effectif militant, donc en réalité, la plupart des groupes essayent de se maintenir en fait pour surveiller l'application de la loi, l'ouverture des centres d'IVG, le fait que les IVG se déroulent dans des bonnes conditions, et notamment que ce soit par aspiration et non par curetage. Donc beaucoup de gynécologues maintiennent cette pratique. Mais finalement, ça a quand même un effet d'assèchement du répertoire d'action, la promulgation de la loi. Et au bout de quelques mois, il y a très peu de groupes qui se maintiennent. Pour autant, en 75 et 76, il y a au moins 2 projets de dissolution du MLAC qui échouent. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il y a une vraie détermination de certaines militantes à continuer. Des militantes très différentes. D'un côté, on a des militantes de ce qu'on appelle la tendance lutte des classes du mouvement féministe, qui, en fait, convoitent en quelque sorte la force de frappe du MLAC et veulent en faire un mouvement de masse, donc vraiment l'inscrire dans une lutte contre le capitalisme. Pour défendre les intérêts de la composante féminine du prolétariat, etc. Et de l'autre, on a d'autres militantes très très différentes qui sont dites inorganisées et qui, c'est-à-dire pas engagées dans des organisations d'extrême gauche, et qui veulent continuer pour d'autres raisons. On va écouter un extrait de Regarde, elles ont les yeux grands ouverts, donc ce documentaire réalisé par Yann de Masson et le collectif de la Commune dont on a parlé dans le récit. Là, on assiste à l'avortement de 2 femmes, Nadine et Fabienne. Après l'intervention, les militants du MLAC d'Aix-en-Provence discutent avec elles de leur rapport à la contraception. Et toi, tu n'avais pas de contraception? Je sais pas pourquoi, je me suis mise dans la tête que j'étais stérile, que je pourrais jamais avoir d'enfant. C'est pas quelque chose qui me révoltait? J'acceptais ça tranquillement, bon, puis voilà. Non, mais ça, c'est dans ta tête. Parce... Ah non, c'était pas vérifié. Et l'idée de ne pas avoir de contraception, rien que par rapport à ça, c'est... Je sais pas, c'est un peu... Ça m'étonne, moi. Oui, mais c'est... Enfin, maintenant que je suis enceinte, il y a des choses que je ressens au niveau de mon corps, bon, et jusqu'à présent, j'ai l'impression que j'ai un peu été extérieure. J'étais extérieure, dit l'une des 2 femmes. C'était ça aussi l'enjeu du MLAC, au-delà des avortements, aider les femmes à se comprendre, à parler d'intimité à une époque où elles entretenaient une grande distance par rapport à leur corps. Oui, certainement. Alors, avec une toute petite nuance, c'est que je suis pas certaine qu'on puisse dire que les femmes entretenaient une plus grande distance à leur corps qu'actuellement. C'était certainement une distance différente. Mais par exemple, quand je pense à un ensemble de gestes d'hygiène corporelle, de soins, y compris de méthodes, en fait, de contrôle de la fécondité, hein, des gestes abortifs qu'elles avaient réalisés sur elles-mêmes ou sur d'autres femmes, mais aussi des méthodes contraceptives telles que les pessaires, les éponges vaginales, et que sais-je encore. En fait, les femmes entretenaient une forme de proximité à leur corps, et avec des méthodes en fait qui exigeaient une connaissance sensible de son corps. Ce qui est certain, c'est que la socialisation corporelle des femmes à cette époque était très marquée par une pudeur extrême sur toutes les choses qui touchaient à la sexualité, de près ou de loin. Beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, et que le... C'est ça que j'appelle le rapport au corps aussi. C'était voilà. Ça, de ce point de vue-là. Oui, mais j'apportais cette nuance. Oui, c'est important de pas projeter nos propres catégories actuelles de perception. Mais ce qui est certain, c'est que le stigmate de l'avortement était au cœur de cette culpabilité des femmes constante par rapport aux conséquences de la sexualité, de l'hétérosexualité en l'occurrence. Lucille Rouriau, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Il y en a, si tu m'aimes demain. Si tu m'aimes demain, on sera des stars 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. C'est voir la vie à deux. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Ruault, le procès du MLAC en 1977 porte sur l'avortement, mais il est l'occasion de faire le point sur les autres émancipations dont la femme a déjà bénéficié, et on sait que c'est jamais un combat fini, finalement, comme si on faisait le point. Bon, à partir de là, voyons tout ce qui a été fait, ce qu'on peut encore consolider, c'est ça? C'est une ouverture vers quelque chose de plus global, me semble-t-il. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le MLAC d'Aix, qui en fait tient vraiment les manettes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une volonté farouche de contrôler ce qui va se passer autour de ce procès, de ne pas être récupéré, comme elles disent, notamment par les organisations d'extrême gauche, mais aussi par d'autres groupes. Et en fait, leur idée, c'est de déjouer la partition des causes habituelles. Et ça se voit en fait très fortement dans toute l'organisation de procès, parce que, comme vous l'avez dit, bien, le court-métrage « Quand je serai grande » porte sur l'accouchement. Mmh. Mais au cours du procès, dans la ville, sont organisées différentes projections, notamment des films syndicaux sur des conditions de travail dans les usines. Le jour même, l'intersyndicale de la CESCO, donc cette usine de semi-conducteurs aixoise, organise des débrayages et défile pour protester contre des licenciements à venir. Donc il y a vraiment cette idée de mettre l'accent sur l'ensemble des formes d'exploitation que subissent les femmes, et aussi la revendication d'un ancrage dans les sociabilités professionnelles des classes populaires, qui sont, donc c'est vraiment des revendications qui sont toutes présentes. Donc oui, il y a une transversalité des causes. Oui. Et l'accouchement, alors là il y a presque une justification par rapport aux critiques, ça pourrait apparaître comme ça. Vous voyez, on fait des avortements, mais on donne la vie aussi. Pourquoi ce besoin de dire on donne la vie? C'est pour répondre à ceux qui critiquent? Alors, Il y a plusieurs. Oui, on peut avoir cette vision stratège, et qu'elles ont eu, hein, puisqu'elles disent vraiment explicitement on voulait faire parler de nous autrement que comme des avorteuses. Donc ouais, cette volonté en fait d'estomper certains traits d'identité sociale, pour éviter tout amalgame avec le stigmate des avorteuses, etc. Mais il y a aussi cette volonté de déplacer et d'ouvrir la focale, et de dire que les femmes avortent ou accouchent, eh bien elles devraient pouvoir le faire dans le cadre qu'elles veulent, avec les gens qu'elles veulent et comme elles le souhaitent. Donc c'est la même, c'est le même combat et c'est aussi stratégique de ce choix-là, hein, de publiciser la cause de l'avortement par le biais d'un court-métrage sur l'accouchement. C'est stratégique pour dire que l'avortement est un épisode ordinaire de la vie des femmes. Ouais. Ordinaire, vraiment. Oh oui, aujourd'hui on considère qu'une femme sur trois a recours à l'avortement. Non, mais quand je dis ah oui, d'accord, ordinaire par rapport aux mœurs et au nombre, mais l'acte d'avortement n'est pas un acte ordinaire, c'est une épreuve. Enfin, c'est. Bah, c'est une épreuve quand on considère que l'accouchement est aussi une épreuve, comme on considère d'accord. que le passage okay. chez un gynécologue est parfois une épreuve. Mm-hmm. Mais justement, ce que montre le MLAC-DEX, c'est que en fait, l'avortement, les femmes qui sont venues avorter au MLAC-DEX ont rapidement comparaient leur accouchement et leur avortement et étaient choquées d'avoir mieux vécu leur avortement que leur accouchement dans ces conditions-là. Et donc, d'une certaine manière, ça démontrait tout à fait que les conditions de l'acte, elles sont fondamentales pour la manière dont est vécu l'acte et les significations qu'on va lui donner. Justement, et il y a quelque chose d'absolument scandaleux dans cette histoire, c'est la culpabilisation. Est-ce que la culpabilisation est encore de mise ici et là, aujourd'hui dans ce pays ? Complètement. Complètement. Tout dépend d'où on parle, mais quand je vois la difficulté avec laquelle a passé cette proposition de loi pour allonger les délais d'avortement, alors que chaque année des milliers de femmes doivent aller avorter aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, en des pourcents, des sommes parfois astronomiques, eh bien, il est toujours question de culpabiliser les femmes et en fait de décider dans quelle conditions elle doit vivre. Et donc il faut quand même se rendre compte que certaines femmes essayent de mettre fin par tous les moyens, par leurs propres moyens, leur grossesse, encore aujourd'hui en fait, dans certaines situations, ou alors doivent se résoudre à poursuivre une grossesse non désirée. Merci infiniment Lucille Auriot pour tous ces éclairages. L'émission est maintenant terminée. Merci encore. Merci. Au revoir. Alors, puisque nous parlions des femmes, je voudrais vous informer, même pas vous rappeler, mais vous informer que le mardi 8 mars 2022, de 20h à 22h sur France Inter, nous vous offrirons un hommage à Gisèle Halimi, donc dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. France Inter et l'association Choisir la cause des femmes, fondée justement par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 71, propose une soirée inédite et en public au studio 104 de la Maison de la Radio. Si vous voulez assister à cet enregistrement, vous vous inscrivez sur le site maisondelaradio.fr, tout simplement. Attention, hein, si vous venez, c'est le lundi 7 mars à 20h et l'émission sera diffusée le lendemain de 20h à 22h. Voilà, c'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le procès du MLAC, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.